Ils sont là tout autour de nous. On les devine parfois. Ils nous attaquent, on les chasse, on les mange, ils nous dévorent. On les voit peu, mais on les entend. Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, le loup gris. Quand on parle du loup, on voit ses grandes dents. Tant cet animal a mauvaise réputation. Pourtant, s'immerger dans l'univers sonore des loups permet de découvrir un autre monde, loin des contes, des peurs ancestrales et des clichés, mais tout aussi fascinant. Le loup gris, venu d'Italie, est arrivé naturellement en France en 1992, en passant par les Alpes. Il a alors progressivement colonisé le territoire français pour arriver jusque dans le massif des Vosges en 2011. Les loups vivent en meute, soit quelques individus regroupés selon une hiérarchie obéissant à des règles strictes. C'est le couple alpha qui domine. Autour d'eux, des loups et des louves, le plus souvent apparentés, et l'individu oméga, tout en bas de l'échelle, sorte de souffre-douleur, un ordre bien établi qui peut être remis en question pendant la période de reproduction entre janvier et avril. Car seul le couple alpha peut se reproduire, et cela ne va pas sans quelques grincements de dents. Certains, mâles ou femelles, aimeraient bien tenter leur chance, mais le couple alpha veille et remet en place cette jeunesse tumultueuse qui s'approcherait de trop près. Bagarres et grognements sont donc fortement perceptibles et audibles. Pour communiquer entre eux, les loups possèdent une panoplie de moyens qui va du marquage au sol par l'urine, en passant par le langage corporel, babine retroussée, oreille couchée, gueule ouverte, l'animal a peur, animal allongé, aux oreilles couchées, l'animal est soumis à plus fort que lui, sans oublier bien sûr le célèbre hurlement qui permet de regrouper les loups de la meute et d'éloigner les autres meutes. Grâce à son ouïe extrêmement fine, le loup peut entendre ses congénères à plusieurs kilomètres. Un chorus que l'on peut entendre à l'aube et au crépuscule, essentiellement en période de reproduction, et qui commence par le hurlement d'un individu, rejoint par un autre, et ainsi de suite, pour obtenir un cœur qui s'arrêtera d'un coup. Le hurlement est plus ou moins modulé en fréquence, plus ou moins long selon les loups, et nous permettrait d'identifier précisément chaque animal. C'est une signature vocale individuelle qui intéresse de près la science et les bioacousticiens. Mais attention à ne pas tomber dans le piège que les loups pourraient se tendre entre meutes. Les loups pratiqueraient ce qu'on appelle l'effet beau geste. Ils joueraient avec les modulations de leur hurlement de telle manière qu'ils pourraient arriver à faire croire aux meutes voisines qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Une sorte de maquillage sonore qui rend plus difficile l'évaluation du nombre d'individus à l'oreille. Le loup est loin d'être bête. Un malin, malin et demi. Pas si bête. Une chronique de Céline Duchesnay avec la complicité de Morgane Papin, Ducrot et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.